Les délégations allemandes, malaisiennes, singapouriennes, chinoises, italiennes, vietnamiennes et de Taipei de Chine sont arrivées le 3 courant par avion et train à Pyongyang pour participer à la 2e foire internationale d'automne de Pyongyang.